Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Xavier Antoine nous fait goûter du thé et de la cuisine dans Tais-toi et cuisine. Et on parle sport avec Nicolas Ducharme. On peut aussi visiter Kiwan en cavale en Alberta. Assemblage requis commence maintenant. Bienvenue à une autre semaine et un autre mois d'Assemblage requis en ce lundi 2 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui, exactement. Et cette année, on a raté le poisson d'avril. Ben oui, c'est pas des blagues, hein? Non. Ben non. Ça se déroulait hier. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. On aurait aimé ça, faire quelque chose. Faire une petite blague poche. Mais bon. Ok, veux-tu? On laisse ça aux autres, hein? Ah, pas le choix. Ils sont pas mal meilleurs que nous autres pour faire des mauvaises blagues. Pas le choix. Déjà dans le mois d'avril, ça passe quand même vite. Hein. Ah oui, il reste quoi? 4 semaines à la session? Quelque chose du genre? Ouais, 3-4. Pas beaucoup. Je suis pas capable d'ouvrir le calendrier. Ben, tu fatigué avec ça? Pas capable d'ouvrir le calendrier. On finit quelle date, François? L'université, mettons. L'université officiellement, écoute, je sais pas. Je pense que là, tu me prends de cours un peu. Le 27? Ouais, je pense que oui. Bon, donc il resterait... ce serait... ouais, ça, il reste 4 semaines, dont celle-ci, si c'est le cas. Donc celle-ci de 4 jours, oui. La semaine prochaine de 4 jours aussi. Pour certains, oui, tout à oui. fait. Oui. Donc, ça va passer vite. Ça va très bien. Aujourd'hui, l'émission, question de bien commencer ce mois d'avril. On va avoir la chronique de Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Il va nous présenter de la musique canadienne. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il va nous parler de Ben Sinister et de Lady Hawk. OK. C'est tantôt à 7h15 environ. Fantastique. Ensuite, à 8h, on a Xavier Antoire et sa chronique Tais-toi et cuisine. Mm-hmm. Comme toujours, on va boire quelque chose avec lui, chin-chin. Quelque chose de chaud. Ben oui. Il nous réconforte en ce lundi matin. Miam. Et puis, on va parler de sport avec Nicolas Ducharme. Je sais pas, écoute, de quoi il va nous parler exactement. Je sais pas s'il va aborder le WrestleMania qu'il avait lu hier. Ça va être vers les 8h30. Je sais pas. T'aimerais ça, en tout cas. Je sais pas. Dur à dire. On verra. Et puis aussi dans la chronique, dans l'émission d'aujourd'hui, oui, la chronique Cynix. Mais on débute avec la musique d'Ozionaute et on varie l'extrait un peu. Hein. On est habitué d'entendre sur les ondes super souvent ici, assez fou. Écoutons Métropole pour changer un fantastique. Ah, c'est fou, 89 fois même. Dans la grande métropole de Trois. Ouais. J'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé. C'était la pièce, une très très bonne pièce, je trouve, Chérie, écoute-moi, de Mauve à Assemblage Requis. Oui, on aime ça. Oui. On aime ça, Mauve, c'est tranquille. Oui, c'est tranquille, ça commence bien l'émission, je trouve. Exact. Avant ça, on a entendu, qu'est-ce qu'on a entendu? Audionautes. Oui, la pièce Métropole. Voilà, tout à l'heure, on entendra du Mal à Jube. Oui. Avec un nouvel extrait du palmarès. Fantastique, c'est nouveau, hein, cette pièce-là. Même pas sur le CD. Non. Tout nouveau, œil pour œil. Dans pour dans pour dedans, c'est ça. Mais avant ça, je pense qu'on devrait rendre hommage un peu à ta Corsica, feu Corsica. Non. Oui, ta Corsica est morte. Non. Elle est arrivée d'une drôle d'aventure. Oui, ben drôle, oui, plus ou moins. Non, c'est ça, pas écoute, pour toi. Assez épeurant. J'ai manqué de frein avec ma Corsica. Donc, j'ai eu 2 jours, exactement 48 heures, pour me trouver un nouveau véhicule pour aller te chercher ce matin, merci. Mathieu. Mm-hmm. Et puis, Dieu sait que ça m'a stressé. Donc, je t'ai rendu hier soir à 5 heures le soir et j'avais rien trouvé encore. Jusqu'à temps que Dieu, hein, God, oui, oui. Comme on connaît, en fait, me fasse un signal. Et puis, bref, il y a un gars que je connais qui m'a vendu son auto. Donc, je suis rendu avec une dynastie. Je me rappelle, mais je sais pas exactement quelle année elle est. Là. C'est une Chrysler. Ouais, c'est une Chrysler dynastie. Ça doit être 89. À peu près. Peut-être 88, peut-être 90. Ta Corsica était une... Une 90. OK. Encore, on reste dans les mêmes années. Ouais, ouais. Ben, propre et confortable. C'est la meilleure époque. Et confortable, hein, la dynastie. Il y a un seul siège en avant. Ben, ouais, une banquette. On peut s'asseoir à trois. Trois. Ouais. Un matin, t'as pas tenté. Non, j'ai le rapprochement. De venir, moi, c'est ça, de venir t'asseoir dans le milieu. Je garde ça pour la dernière journée de la semaine. Ah ouais, pour vrai? Non. Ok. Ouais. Ça aurait pu. Mm-hmm. On verra. Ça en reparlera. Ouais. Donc. Super. Donc, c'est ça. Quand t'as un char tout en brun. C'est beau, et oui. À l'intérieur, tout en rouge. C'est Bourgogne à l'intérieur avec accent de bois, oh, là, contreplaqué sur les côtés. Je voulais pas lésiner dans ton confort, Mathieu. Quand même, non. Confort visuel et confort physique. Tu me gâtes. Ben, est-ce qu'il y a un lecteur cassette? Non. Même pas? Non. Non. Wow, ça c'est dur. Ouais, ouais. Mais là, c'est ça. Je vais essayer de pas tenter de quoi, là. OK. On va voir. J'ai hâte de voir. Ben, ouais. Peut-être en fin de semaine. Écoute, fin de semaine à 4 jours. Donc, je devrais avoir le temps de m'installer quelque chose, là. On va voir. Espérons-le. T'es un grand débrouillard, je te fais confiance. On verra. Sinon, un ghetto blaster, c'est le siège en arrière. Oui. Mathieu, tu te pencheras pour virer à cassette de bord. OK. Bon. C'est ce que tu me dis souvent, d'ailleurs, Mathieu, penche-toi. Penche-toi. Donc, on écoute Malajube, œil pour œil, et après ça, c'est la chronique de Kiwan en cavale. Restez là. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 9h. We'll be right back. Mal à jouer la pièce Œil pour œil, c'est un nouvel extrait qui n'est pas encore disponible sur CD, seulement en ligne sur iTunes entre autres, et c'est vraiment très bon. On peut l'acheter. Oui, on peut l'acheter. Fantastique. Pas cher, une pièce. Pas cher, pas cher. Hey, toujours à Assemblage requis, il est 7h20 en ce beau petit lundi matin, là. Et c'est le moment de monter dans le camion. Je sais pas si c'est un Chrysler Dynasty, son camion. C'est pas, fait pas le même bruit, du coup. Je sais pas s'il y a du contreplaqué bois sur les côtés. Faudrait lui demander. Ouais. Voici Kiwan en cavale. Bon matin, Kiwan. Bonjour. Bon matin à vous. Ça va? Oui, ça va bien. Oui, est-ce que tu es jaloux de la dynastie de François-Olivier, Bourgogne et Bois? Ben oui, en fait, moi, quand on parle de contreplaqué bois, là, de plaqué bois sur les véhicules, ben, j'avoue que ça me fait quelque chose. C'est émouvant. Je me demande tout le temps la différence entre plaqué et contreplaqué, mais bon, pour que je m'explique. Ouais, non, je pourrais pas, en fait, te l'expliquer. Donc, Kiwan, en direct de l'Alberta, tu nous présentes tes découvertes musicales canadiennes. Oui, en fait, deux groupes de Vancouver. Un groupe qui vient de sortir un album et un qui vient d'en annoncer un pour la prochaine année. Donc, c'est deux groupes dans un style rock assez conventionnel, un peu progressif, un peu alternatif. Donc, le premier groupe dont je vais vous parler, Ben Sinister, c'est leur sixième album. C'est un EP, en fait, de six pièces qu'ils ont lancé il y a quelques semaines, le 6 mars, en fait, exactement. Et c'est un groupe de Vancouver. En fait, c'est un groupe qui s'est créé à Kelowna, en Colombie-Britannique. Puis, ils ont migré, finalement, vers Vancouver, qui est vraiment la place où tout se passe. Donc, c'est un peu le même phénomène partout, finalement. Là, quand tu viens d'une petite ville, tu finis toujours par te retrouver dans la métropole un jour ou l'autre pour continuer ta carrière. Donc, c'est arrivé avec Ben Sinister. Et donc, ce EP-là s'appelle On My Mind. Et c'est ça, leur sixième album. C'est, comme je le disais, un son quand même assez conventionnel. Ça me fait un peu penser à The New Pornographers. Tant mieux. Ça ressemble à ça, je vais aimer ça. Voilà, donc voilà pour le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est Lady Hawk. C'est en fait un projet parallèle du chanteur du groupe Yukon Blondes, que vous connaissez sûrement. Oui, oui. Yukon Blondes, personnellement, c'est un son que j'aime un peu moins parce que c'est justement très, très conventionnel comme rock. Lady Hawk est un petit peu plus éclaté, je dirais un petit peu plus trash. Moi, je connaissais pas personnellement Lady Hawk. J'ai découvert ce groupe-là cette semaine. J'ai écouté le vieux stock qu'ils faisaient, puis je trouve que j'aime plus leur premier album qui sonnait très, très low-fi, qui sonnait un peu punk garage. Puis finalement, avec le temps, ça s'est adouci un peu, c'est devenu un petit peu plus conventionnel, mais j'ai quand même très hâte d'entendre ce que ça va donner. Puis c'est ça, il y a quand même plusieurs sons, plusieurs époques très différentes au travers les trois albums de Lady Hawk. J'ai choisi une pièce un petit peu plus mélodique peut-être pour ce matin. C'est une pièce qui vient de leur deuxième album qui s'appelait Fight for Anarchy. Et la pièce s'appelle War, c'est ça. Donc, mais quand même un très bon groupe. Puis c'est ça, Lady Hawk ont annoncé là, cette semaine, un peu sans le vouloir, je pense, au cours de l'entrevue avec X-Lane qui était donnée pour le groupe Yukon Blonde, parce que Yukon Blonde vient quand même de sortir un album il n'y a pas très longtemps. Et puis, je pense que le chanteur s'est comme un peu échappé là, en parlant de prochain album pour Lady Hawk, mais l'album serait déjà enregistré et puis il va sortir prochainement, là, dans les prochains mois. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ça. Merveilleux. C'est déjà tout, Kiwan? Tu nous termines ça avec juste deux pièces? C'était quickie ce matin. Ouais? Tu te rends droit au but? Pas niaisant. Eh oui. Pas autour du pot? Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire? Comment? Ah bon, oui. Vas-y, toi. Non, je voulais juste dire que ça allait droit au but, telle une dynastie qui file dans le vent. Hey, c'est tellement aérodynamique cette affaire-là, hein? C'est pas. C'est carré. Hey, c'est une boîte, ça. Ouais, c'est carré. Une boîte sur roue, on aime ça. Ça se conduit sûrement aussi bien que les camions gigantesques de Kiwan, hein? Oui, j'imagine, oui. Ça doit être si confortable. Ouais. Est-ce que tu transportes toujours, c'était quoi, des graines de tournesol? Est-ce que ça a changé? Oui, toujours dans les graines de tournesol. Puis, ben, c'est la période pour la graine présentement. Là, ça... Ah ouais, c'est là que ça se passe? Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, je vous envoie ça si peu, là, une cargaison. Ben, au moins. On s'attend à ça, un peu. On est out. Shoot-nous tes graines. Bon. Donc, Kiwan, on te retrouve la semaine prochaine. Passe une excellente semaine, tiens. Oui, bonne semaine à vous aussi. On est sur Lady Hawk tantôt. On débute avec Ben Sinister. Merci. Billy Hawk avec War, précédé de Ben Sinister avec Got You On My Mind. À Assemblage Rocky dans le bloc qui en cavale. J'ai de loin préféré la première, moi, en tout cas. Oui, oui, tout à fait, moi aussi. La deuxième n'était pas mauvaise, mais je sais pas, le style, je suis pas tout à fait certain. Ouais. Pas tout à fait certain. Mais merci Kiwan de nous avoir présenté ça quand même. Oui, merci beaucoup. On va les réentendre, ces pièces-là. On va essayer de faire jouer un petit peu plus souvent les pièces que Kiwan nous amène. Et on le retrouve la semaine prochaine, lundi, à 7h15. On prend une petite pause et on revient avec la chronique Geek CNX. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. We used to leave the blue lights on and there was a since you have been gone. It's all caffeine-free, faux punk fatigue. Said it all before. They try to kick at their feet, fall asleep, get no harm done. No, none of them want to fight me. Come back, baby. Come back, baby. Et la pièce comme Bad Baby. Mm. C'est bon. Ben oui. C'est très bon. J'aime beaucoup ça. C'est excellent. Oui. Maintenant, on va passer à quelque chose que tu trouves peut-être toi moins excellent. Moi, j'adore ça. C'est les choses geek. Voici CNX. CNX, la chronique de la bulle geek. C'est la première chronique Célix de la semaine, donc on va résumer les nouvelles depuis mercredi matin. Hein? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et boy, boy. Mais j'ai gardé que les plus importantes. Que des hits. Oui, que des hits. J'ai enlevé quelques affaires qui sont sûrement super intéressantes, mais bon. Et aussi, c'était difficile de faire une collègue à cause du poisson d'avril d'hier. Ouais, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Ouais, parce qu'il y en a qui sont très subtiles, d'autres qui sont très évidentes, d'autres que tu te, tu sais, que tu sais pas trop, là, et qu'aucune explication. Des fois, les sites vont pas mentionner plus tard que c'est un poisson d'avril, mais tu finis par comprendre, comme par exemple, celle qui disait qu'on fait qu'on avait découvert une façon de graver 25 gigs de données sur des CD gravables. Oui. Eh bien. Tout à fait, c'est sûr. Donc, parlons-en de ces poissons d'avril, dont celui de Google, le cauchemar des journalistes et du lecteur naïf, nous dit l'article de Branchez-vous. On recense donc les meilleures blagues publiées en ce premier dimanche du mois d'avril. Google et la boutique en ligne ThinkGeek sont parmi ceux qui donnent le plus dans le poisson d'avril à chaque année. C'est encore le cas en 2012. Chez Google, on annonce une nouveauté dont le monde avait absolument besoin. C'est Google Maps version 8-bit pour la NES, la console Nintendo originale. Avec l'aide de Square Enix, Google dit arriver à générer en temps réel les cartes en format 8-bit. Et on nous présente ça comme étant une cassette Nintendo que tu branches dans un vrai Nintendo avec une petite ligne Internet, téléphone. Oh ouais. Mais c'est faux, mais c'est le fun parce que tu peux l'essayer toi-même si tu vas sur Google Maps et que tu cliques sur le bouton Quest dans le coin. Je sais pas si ça va être encore le cas en ce moment ou plus tard cette semaine, mais vous pouvez sûrement retrouver Google Maps Quest en cherchant sur Google. Attends un peu. Il n'y a pas l'adresse exacte, mais c'est ça. Dans le temps, dimanche, c'était maps.google.com. Même en ce lundi matin, il est encore là, le mode Quest. Et c'est tellement beau comment les choses arrivent dessus. C'est fantastique. Et il y a une petite vidéo de présentation sur assemblagerequis.com que je vous ai postée, où on voit le gars, entre autres, souffler dans la cassette de Google Maps. C'est chic. Google, donc, qui continue ses poissons d'avril. Et puis, on dit que Sergey Brin quittera la tête de Google d'ici un an pour entreprendre l'étude profonde de la guitare blues. De ces attrapes du poisson d'avril. Ben non. Ah oui, j'ai les gens de chez ThinkGeek, c'est une page d'accueil complète de poissons d'avril qu'on retrouve, de la Barbie version iPad en passant par le repas complet en format K-Cup pour les cafetières Keurig. Tu sais, les cafetières Keurig, tu mets ton c'est des petits cups de café que tu mets dans la machine puis ça fait ton café. Là, ils proposent des supposés repas que tu mettrais dans ta cafetière et que tu les ferais chauffer comme ça. Donc voilà, allez voir l'article sur assemblagerequis.com pour les liens vers ces trucs-là que vous ne pouvez certainement pas acheter. J'adore ça. Ouais. Maintenant, avancée technologique, parlons des chercheurs du Mississippi qui ont développé un plastique qui guérit tout seul. Oui. Okay. Le professeur en charge de l'équipe, Marek W. Urban, a présenté un plastique qui imite les comportements de la peau humaine en rougissant lorsqu'il est endommagé et en se réparant grâce à l'exposition à la lumière. La nouveauté, selon Urban, n'est pas le simple fait que le plastique guérisse de ses propres blessures, parce que ça existait déjà. Tu vois, je savais pas ça. La nouveauté, c'est que le plastique produit par son équipe avertit lorsqu'il y a bris, en devenant rouge à l'endroit brisé, et qu'il est capable de se remodeler indéfiniment. Urban a développé ce plastique en utilisant des petits ponts moléculaires qui s'étendent sur sa composition chimique. Quand il y a bris, ce sont des petits ponts qui rougissent et avertissent l'utilisateur d'un besoin de réparation. Une fonction visible qui pourrait être utile pour des ponts, des avions, des voitures ou des téléphones cellulaires. Comment le plastique en question guérit-il? Par une exposition continue à la lumière et à la chaleur ou un petit changement de pH. Ainsi, un pare-brise manufacturé avec ce plastique pourrait se réparer rapidement grâce à une exposition immédiate à une lumière intense. Pour l'instant, aucune utilisation commerciale n'est prévue. Les recherches ont été partiellement subventionnées par le département de la Défense. Donc, peut-être qu'un jour, on verra des objets de plastique se régénérer. Peut-être. Un CD, par exemple, tu sais, mettons... Ça pas pire? Les graveurs dedans, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour savoir maintenant si vos fruits sont mûrs, fiez-vous à un nez électronique. Oui. Une équipe de l'Université de la Californie à Davis vient de développer un nez électronique capable de déterminer si un melon est mûr. Lorsque un fruit arrive à maturité, il dégage certaines molécules volatiles qui lui donnent son odeur caractéristique. Mais pour récolter ou acheter le bon fruit au bon moment, il faut pouvoir distinguer celui-ci de ses voisins. Alors jusqu'ici, il fallait utiliser une technique complexe qui s'appelle la chromatographie qui nécessitait plus d'une heure d'analyse par échantillon. Ce qui n'est tellement pas pratique au supermarché, non. Par exemple. Le nez électronique effectue le travail beaucoup plus vite. En une minute à peine, on peut déterminer si un lot de melons est prêt à être récolté, par exemple dans un champ, s'il vaut mieux attendre encore quelques jours ou si les fruits sont gâtés. Seul inconvénient pour mesurer la qualité d'un fruit particulier, les chercheurs doivent le réduire en bouillie au préalable, ce qui n'est pas particulièrement recommandable. Ouais, c'est ça. Peut-être que la prochaine étape consistera, oui, à évaluer le fruit dans les champs et à décerner les molécules cibles des arômes naturels de la terre, des pollens, etc. Tout ça est en cours de recherche. On verra ça arriver un jour. Une nouvelle technologie propose de s'affranchir des téléphones et autres appareils de communication pour relayer les ondes cérébrales. Et si l'avenir des communications sans fil se passait aussi des appareils qui servent à communiquer, nous demande l'article de CNET France. C'est ce que laisse entrevoir la technologie Télépathie, qui ouvre l'accès à la télépathie grâce au courant électrique du cerveau humain. Les appareils ne disparaîtront pas toutefois complètement, tout comme le projet Brain Control présenté par Ayer au salon CES de Las Vegas au mois de janvier et qui proposait de diriger un jeu via la pensée et un casque. Le système Télépathie, je vais l'appeler comme ça, nécessite la présence de matériel sous la forme d'un boîtier relais. Tout se passe à travers des courants électriques faibles appelés les ondes cérébrales, amplifiées par le routeur qui capte, convertit en émissions électriques et enfin achemine les données. Le laboratoire de recherche Burton's Labs, initiateur du projet, se préoccupe également de la sécurisation des données et de l'impact sur la santé. Sur ce dernier point, les tests effectués par un laboratoire indépendant montrent la non-dangerosité du système selon la société. Après les technologies Wii et Kinect, Télépathie semble être la suite logique de l'évolution des possibilités de communication, avec toutefois une différence de taille puisqu'il s'agit d'interaction entre deux êtres vivants. Ça, c'est impressionnant. Entre deux personnes. Et ben. Maintenant, on arrête les avancées technologiques pour parler de recherches qui ont été faites et qui sont geeks par la bande. Si votre travail vous ennuie ou que vous souffrez d'une propension naturelle à la paresse, prenez un bon café ou 12, ça vous donnera l'impulsion nécessaire pour éviter un congédiement inopportun, nous dit l'article de Branchez-vous. Mais si vous êtes fortement motivé et que vous arrivez au bureau 90 minutes à l'avance chaque matin juste parce que ça vous tente, votre triple corset frappé quotidien pourrait au contraire limiter vos possibilités d'avancement. C'est la conclusion inattendue d'une étude menée au département de psychologie de l'Université de la Colombie-Britannique. Les chercheurs ont soumis une population de rats paresseux et de rats travailleurs à différentes épreuves qui leur permettaient en cas de succès d'avoir accès à de la nourriture. Les rats paresseux à qui l'on faisait consommer des stimulants avant le test, réussissaient mieux que les rats paresseux non caféinés. Mais chez les animaux qui démontraient une aptitude et un intérêt naturel pour ce genre de défi, la performance déclinait après la prise de stimulants. Selon les chercheurs, ces résultats suggèrent que plus on consacre une grande partie de notre attention à ce qu'on fait, plus la prise de stimulants risque d'interférer avec le processus mental plutôt que de l'aider. Donc, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. En tout cas, pour des rats. Mais on s'entend qu'à l'habitude, des rats, c'est pas mal dans le même sens que les humains pour ces affaires-là. Maintenant, la musique classique aide à récupérer après une chirurgie. Oui, surtout, on en écoute pendant l'opération, c'est ça l'important. C'est la conclusion d'une étude difficilement justifiable qui a récemment été complétée dans un hôpital d'Oxford au Royaume-Uni. Pour les besoins de l'étude, 96 patients soumis à une chirurgie avec anesthésie locale, donc éveillés pendant les interventions, ont été suivis. Certains d'entre eux ont subi leurs interventions dans des salles d'opération où régnait le silence, tandis que les autres avaient droit à une bande sonore signée Bach, Vivaldi, Beethoven ou encore Frank Sinatra. Résultat, les patients qui ont écouté de la musique pendant leur chirurgie ont récupéré plus rapidement et démontraient moins de signes d'anxiété. Selon le chirurgien en charge de l'étude, les deux observations sont liées. Les patients plus calmes guérissent mieux et gèrent mieux la douleur. Ça a du sens, ça a bien du sens. Voilà, donc pour cet article, encore une fois, de branchez-vous, parce que la plupart des articles sont intéressants là-dessus. Maintenant, parlons de Google, la voiture automatique de Google qui conduit un aveugle jusqu'à un restaurant Taco Bell. En 2010, Google a lancé son projet de voiture automatique contrôlée par un ordinateur. Le géant d'Internet voulait trouver une façon de rendre la conduite plus sécuritaire, plus amusante et plus efficace. Aujourd'hui, le moteur de recherche a présenté les résultats d'un de ses tests. Il s'agit du cas de Steve Mahan, le PDG de la Santa Clara Valley Blind Center, Blind Center, c'est un centre. Monsieur Mahan est un aveugle habitant à Morgan Hill, en Californie. Une vidéo diffusée sur YouTube montre le trajet de Monsieur Mahan à bord d'une Toyota Prius contrôlée par ordinateur sans conducteur humain. Il se rend d'abord dans un Taco Bell, un restaurant évidemment, pour récupérer de la nourriture. Après ce premier arrêt, il va chez le nettoyeur récupérer quelques vêtements. L'automobile est équipée de plusieurs instruments comme des capteurs radar et des caméras vidéo pour permettre à l'ordinateur de bien repérer les obstacles et piloter la voiture efficacement. Étant donné que le conducteur ne possède pas de permis de conduire, Google a dû demander la permission au Morgan Hill Police Department pour éviter tout problème légal. Ouais, j'imagine. Ça a pas mal le choix. Monsieur Mahan a déclaré dans la vidéo que la voiture automatique pourrait changer sa vie en lui donnant de l'indépendance et de la flexibilité dans ses déplacements en allant où il veut, quand il le veut. L'État du Nevada est devenu, durant le mois de février, le premier État américain à permettre la conduite automatique. Tu vois, en fait, semaine, on est allé à la cabane à sucre. Ouais. Puis? Et c'était super. Ouais. Une de mes amies suivait beaucoup trop son GPS et a raté complètement la cabane à sucre. Elle a continué beaucoup plus loin jusqu'à temps qu'elle dise « Je pense qu'il faut continuer à travers le bois. » Il y avait un petit boisé, mais pas une place pour une voiture de large du tout. Donc, elle disait, ben, c'est sûr qu'il faut continuer par là-bas, t'as pas le choix. Mon GPS me dit que c'est à droite, la cabane à sucre, je te jure. Elle disait, c'est à droite, la cabane à sucre. À droite, là, c'était de l'eau. Donc, tu sais. Un moment donné, puis il y a une cabane à sucre, on s'entend pour dire que, tu sais. Il y a des pancartes, là, d'habitude. Tu sais, tu connais pas le village, c'est correct. Ça peut t'amener dans le village, ouais. Mais tu sais. Rendu là. Mais c'était profond, il y avait beaucoup de cabanes à sucre de suite, donc ça se peut. Mais elle avait le nom de la cabane à sucre, donc tu regardes, tu suis les pancartes à gauche ou à droite. Oh, t'sais. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, le résumé de la chose, c'est de pas trop se fier au GPS. Hein, non, t'sais. S'il vous plaît. Donc, une voiture conduite automatiquement par un système de GPS, si le système n'est pas à jour ou qui est dans une ville où les routes ont changé récemment, tu sais, à Trois-Rivières, les routes ont changé de place. À un moment donné, les autoroutes, les sorties d'autoroutes, ça avait changé, mais le GPS des parents, ma blonde, n'était pas encore mis à jour. Mis à jour. Donc, ouais. Ça me disait de passer à travers un champ, tu sais, mais c'était rendu une route, là. Non. Le contraire est vrai aussi, là. Je me fierais pas trop. Pour un aveugle, mettons, qui se fie absolument à 100% sur la technologie de la voiture, je sais pas si je me demanderais pas un petit co-conducteur au pire, tu sais. Ouais, non. Non, c'est sûr, mais en même temps, on n'est pas rendu pour les envoyer. Non, pas maintenant, mais le gars, il se crée des attentes, là, je pense. Ouais. Non, c'est sûr. Ça s'en vient, un jour. Un jour. Va falloir vraiment que les cartes de GPS soient mises à jour, oui. Google qui veut vendre des tablettes en ligne, je vous laisse aller lire l'article sur Internet, sur assemblagerequis.com, mais on dit que Google, selon le Wall Street Journal, pourrait ouvrir dès cette année, en juin, un site Internet dédié à la vente de tablettes, appareils qui seraient construits par Samsung et Asus, qui seraient équipés du système d'exploitation signé Google. On parle d'Android. Parlons du jeu vidéo maintenant. On n'a pas eu l'occasion d'en parler depuis mercredi matin. On va survoler le sujet rapidement. Le site Kotaku qui écrivait avoir parlé à une source anonyme chez Sony qui lui aurait révélé les détails de leur prochaine génération de consoles, c'est-à-dire l'Orbis, qui serait la prochaine PlayStation, donc la PlayStation 4, comme on l'appelle et on l'appellera sûrement toujours, qui permettrait pas de jouer à ses anciens jeux de PS3. Ce qui est spécial parce que chacune des PS2 jouait les jeux de PS1 et PS3 jouait PS2 pour le premier modèle. Ensuite, ça a fini par s'enlever quand on a rapetissé chacune de ces versions-là. On commence toujours par ça, on laisse la rétrocompatibilité pour la première génération. Après ça, on refait une nouvelle console légère et on l'enlève. Mais bref, celle-là, la PS4, commencerait sans les jeux PS3. Et on n'aurait pas le droit non plus à des jeux usagés. C'est la grosse affaire. Par contre, on nous dit que certains n'y croient pas à cette mention des jeux usagés qui ne fonctionneraient pas. On dit que certains ne croient pas que les prochaines consoles chercheront à éliminer le marché des jeux usagés. Selon le site Games Industry, l'analyste Michael Pachter croit qu'il ne serait peut-être pas dans l'intérêt des fabricants de consoles de tenter d'enrayer ce marché, puisque ça nuirait à des détaillants comme GameStop ou EB Games, une chaîne de magasins importante pour l'industrie qui tire de considérables profits de la revente de jeux. Les magasins au détail pourraient en retour choisir de ne pas vendre leurs consoles refusant les jeux usagés. À moins que Microsoft, Sony et Nintendo décident tous de couper l'herbe sous le pied à la revente de jeux, il y aurait peu de chances que ça se produise, dit-il. Ce geste déplairait certainement à bon nombre de joueurs qui se retourneraient, c'est clair, vers les autres consoles. Aussitôt qu'il y aura une console qui va les accepter, tout le monde va se lancer dessus. C'est niaiseux, ça. Tellement. De nombreux consommateurs au budget plus limité, comme les familles, pourraient s'empêcher d'acheter une telle console. Moi, je pense que ça la pire chose. Là. À 60-70$ le jeu, on va juste en acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins si c'est les jeux usagés. Non, ça n'a pas de sens, ça. Non, ça se peut juste pas. J'espère que ça n'arrivera pas. Certains joueurs n'ayant pas accès à une connexion haute vitesse seraient limités par l'obligation de jouer en ligne, ce qui pourrait couper encore plus de parts de marché à cette nouvelle console. Pour le moment, difficile de trancher sur la question, mais une chose est sûre, la persistance de ces rumeurs commence à ressembler à autant de coups de sonde de la part des fabricants auprès des consommateurs. J'imagine que ça doit être le cas. Les compagnies sortent des rumeurs elles-mêmes pour voir ce que les gens en pensent. Ouais. Si ça passe pas, ben peut-être que finalement la rumeur c'était faux, pas vrai du tout. T'sais. J'imagine que c'est quelque chose du genre. Article encore une fois, en bref, que je survole sans vous le lire. Les consoles de jeux vidéo qui remplissent plus d'une fonction dans le salon de leur propriétaire, et voilà qu'elles sont désormais plus populaires pour des tâches comme la lecture de films et de contenus vidéo que pour les jeux vidéo. Okay. C'est ce qu'ils disent. La Xbox 360, apparemment, serait plus utilisée. On dit que... attends un petit peu. Pas la PlayStation 3, non? J'avais l'impression à cause du Blu-ray. Ah, peut-être que c'est la même chose aussi, mais ici, on parle en plus de la Xbox 360. On dit que les foyers possédant une console Xbox 360 reliée à Xbox Live vont passer en moyenne 84 heures par mois sur le réseau. Plus de la moitié de ce temps est consacré à regarder des vidéos et écouter la musique, alors que 150 heures par mois à regarder la télé pour la moyenne des foyers américains. Et puis, j'ai cherché le chiffre pour les jeux vidéo. En tout cas, je vous laisse aller lire l'article, mais on dit qu'on l'utilise plus souvent pour écouter de la musique. Moi, ça me surprend. Écouter de la musique sur Xbox? Non, moi non plus. J'aurais jamais fait ça sur une console de jeu. Mais ça sort pas si bien que ça. Ça sort dans la télé. Ouais, c'est ça. À moins que t'aies un fil HDMI avec la bonne qualité, moi, j'avoue que ça doit pas être. Mais tu sais, ta TV, t'as mis jamais très forte, là. Non, c'est ça. Si t'as pas le goût de péter des speakers, c'est bien après ta TV, mais ça. Ouais. Ah, d'accord. mais je ferais pas ça non plus. Non, moi non plus. Regarder des films, sur, comme tu dis, sur la PlayStation 3 avec les Blu-ray, là, j'avoue que ça servirait très bien. Ouais. C'est comme un centre de multimédia. Exact. Alors qu'une Xbox 360, il faut que tu compresses les vidéos d'une certaine façon, tu les envoies par disque dur externe. Non, c'est ça. C'est un paquet de trucs pour rien. Vraiment. Parlant de la Xbox 360, Kotaku, encore une fois, s'est entretenu avec des chercheurs de l'université Drexel, de Philadelphie, travaillant sur les questions de sécurité de l'information. Ces derniers se sont notamment intéressés aux disques durs des anciens modèles de Xbox 360 et leur découverte est pour le moins surprenante. Après avoir acheté une Xbox 360 d'occasion, donc usagée, reconditionnée, ça c'est refurbished, là, formatée, remise à zéro, auprès d'un vendeur officiel, ils ont été capables, avec quelques outils de hack courants et sans trop de difficultés, de retrouver des informations personnelles sur le disque dur, dont le numéro de carte de crédit de l'ancien propriétaire de la machine. De quoi se poser des questions avant de revendre sa console d'occasion. En conséquence, les chercheurs recommandent aux personnes qui se trouvent dans cette situation de ne pas simplement formater le disque dur, mais de le brancher sur un PC et de faire un formatage en profondeur avant de remettre le disque dur dans la Xbox 360. C'est quand même quelque chose. Là, tu formates la console à partir de la console elle-même et ça efface pas le numéro de carte de crédit. Tu sais, ou ça l'efface, mais il est tout retrouvable facilement parce que ça écrit pas par-dessus. Tu sais, un disque dur, si tu le formates sans écrire par-dessus, les données sont encore là. C'est récupérable. Donc, non, c'est vraiment pas super, ça. Selon le directeur de NGMOCO, une compagnie de fabrication de jeux vidéo, les manufacturiers de consoles, c'est-à-dire Sony, Microsoft et Nintendo, ont peur que les jeux gratuits affectent les ventes de leurs jeux et donc leurs revenus. Je cite, « Les seules plateformes sur lesquelles les jeux gratuits n'ont aucun impact sont les consoles parce que les manufacturiers ont peur. Il y a une perception chez ces compagnies-là parce qu'ils n'ont pas d'expérience en la matière que les jeux gratuits de grande qualité vont affecter les ventes de leurs jeux payants. » Ben Cousins pense qu'il s'agit d'une erreur et que cette peur pourrait mener à la mort des consoles. Il dit ils devront s'adapter ou mourir. Il a particulièrement visé Nintendo, faisant notamment référence au discours de Satoru Iwata lors de la GDC 2011, la grosse foire de jeux vidéo. Certains des commentaires d'Iwata me rendent inquiet pour le futur de Nintendo. Il y a une dissonance cognitive chez Nintendo par rapport à ce qui arrive dans l'industrie et c'est dommage parce qu'il crée des jeux fantastiques. C'est ça le problème, c'est sûr que les gens comparent les jeux vidéo gratuits sur le iPhone avec genre 4 tableaux, là, pis genre aucun contrôle, pis aucune affaire à débloquer, pis pas de mode en ligne. T'sais, ils comparent ça à un jeu que tu payes comme peut-être 30 ou 40 $ sur la 3DS. Il n'y a pas de comparaison à faire. Là. Ce jeu-là va durer des 20, t'sais, des dizaines et des dizaines d'heures, plein de contenu à télécharger, plein de jeux en ligne, tu peux jouer à plusieurs joueurs. Ça se compare pas, là. Un jeu à 1$ et un jeu à 30$. Il y a un monde entre les deux. Mais Nintendo a peur de ces petits jeux-là gratuits. Petits jeux gratuits qui souvent sont des casual games, tu sais, pour mon oncle, ma tante, là, sans vouloir dénigrer ceux qui jouent à des jeux casual. Ça m'arrive moi-même, les Bejeweled pis les affaires comme ça. Ouais. Ça arrive. C'est brutal pis c'est correct. C'est fait pour ça. Tu t'éteins le cerveau un peu, tu réfléchisses, mais à peine, tu sais. Ouais. Pis c'est le fun. Mais c'est pas comme le nouveau Kid Icarus Uprising ou encore un jeu c'est comme. Peu importe, là, ou un Uncharted ou n'importe quoi, c'est pas la même chose. Arrêtez d'avoir peur. Et finalement, un premier cours de jeux vidéo au secondaire. Le jeu vidéo qui fait son entrée comme matière d'enseignement au secondaire au Québec. C'est en septembre prochain que le Collège français, une école secondaire privée à Montréal et Longueuil, offrira une concentration en jeux vidéo. C'est le premier programme du genre dans une école secondaire au Québec. Il y a une quarantaine d'élèves de première secondaire sur un total de 350 qui vont suivre cette concentration à partir de septembre. Et ils vont voir chaque cohorte va voir un de ces jeux publiés par le studio norvégien Funcom, qui a un important bureau à Montréal. Je laisse aller voir l'article au complet et les détails sur ce programme-là sur assemblagerequis.com. Et voilà pour la chronique CNews d'aujourd'hui, François. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. On écoute du KCBN avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Days Are Forgotten. Sur C'est Fou, 89 FM. C'est mystérieux ça. I'm looking forward, you're in- On dirait genre une parodie de James Bond. On aime ça, c'est KCBN avec la pièce Days Are Forgotten sur l'album Velociraptor. Assemblage requis. Il est déjà 8h, donc on va terminer l'heure ici. Le temps de se dire quelques petits avant-goûts de la deuxième heure. Xavier Antoire, tu vas être là tantôt. Xavier, t'es où? T'es où? Je te vois. Hein? Je te vois, mens pas. Les micros, ils sont assez gros pour me cacher. Il en faudrait plus que ça. OK. Hein? De quoi tu nous parles tantôt? Je vais vous parler d'accessoires parfaits pour faire infuser vos petites choses. Oh, se tremper la poche? Non, pas pour se tremper la poche. Non, on trempera pas de poche, justement, dans ce cas-là. Ah ah! Bon, ben, on en parle. Pour tantôt. Les personnes qui aiment pas se tremper la poche, ça va être idéal. Wow. Ouais. J'ai rien à dire de plus. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 2 avril 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plon. Oh, Colin. Le genre de vilain. C'est Mathieu Plon. L'infâme Mathieu Plon. Ouais, non. Hein? C'est l'infâme, le boule noire. Oui, hey, la boule noire. Dans Lingo. Lingo. Pas Loud. On s'ennuie de ça. C'est bon. C'est très bon. C'est évidemment, bien. Xavier, lui, connaît pas ça. Tu connais pas, non? Lingo. Je suis un culte. Les années 90, là, c'est loin quand même. Ouais, j'avoue, ça fait ça. Les années 90, j'étais même pas encore en 10. Ben, c'est ce que je me disais. T'étais-tu né? Ben oui, ouais. Quand même. Moi, j'avais peut-être juste 2 ans en 90. Là. Wow. 88. Quand on est vieux. Hey, c'est le moment de déguster du thé. Ouais. Voici Tais-toi cuisine. Hey! Oh, la. Oh, this. T'avais un choriste derrière toi, c'était François. Oh, on aime ça. On va monter une chorale, on va faire tous les jingles l'an prochain. Ouais, je t'appuie. Je vois avec. Tu m'appuies? Ouais. Ah, appuie-moi. Les yeux fermés. Oh, on aime ça quand tu m'appuies les yeux fermés. Ça commence très bien. Hey, il fait chaud! Bonjour les garçons! Je sais pas si c'est à cause du thé. La tension entre vous deux. Là. On aime ça, les petites tensions. Oui, ben, c'est probablement à cause du thé, puisque c'est un thé exclusif que je vous ramène. C'est un ancien de la collection hivernale, donc c'est normal que ça vous réchauffe un petit peu. Donc, si je comprends bien, ce que tu me dis là, c'est une exclusivité. Oui, c'est une exclusivité. Utilisez ça dans vos pubs. Mais de la collection hivernale? On l'utilise déjà beaucoup. Bon, oui. C'est pas mal. Oui, de la collection donc, hivernale. Donc, ça revient? Pas nécessairement. Dans le fond, quand un thé fait partie d'une collection, il fait partie d'une collection saisonnière, okay. Mais il revient pas nécessairement. Ben, ça arrive que certains thés reviennent, comme Flamant Rose, printemps 2010, qui est revenu printemps 2011, qui est revenu printemps 2012. Les gros canons, les populaires, ceux que les gens c'est aiment. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours une question. Oui, questionne-moi. Quand quelque chose revient par la suite, je me dis, il y a deux raisons. Soit que c'était très populaire, oui. Ou même trop populaire. Je vois le deuxième. Là. Ou ben non, ça ne l'était pas pendant tout, puis il en reste pas mal. Faut le passer. Généralement, si ça a été pas assez populaire, c'est dans le fond, c'est gardé dans le fond pour le web. Et il y a des promotions qui se font dans le fond pour écouler les stocks ou des choses comme rabais. Ça. Genre. Parce que tu peux pas garder ça pendant un an et puis juste garder. Non, c'est ça, j'imagine. Mais je te dirais que c'est pas mal ça, mais comme l'an dernier, Melon d'eau exquis est revenu, il y en avait plus. Melon d'eau exquis? Oui. Oh, on dirait que j'aimerais ça. Mélange de pommes, melon d'eau, melon miel, feuilles de fraisier à l'intérieur, parfait en thé glacé, belle teinte rosée. Pas de noyau, j'espère? Non, pas de noyau, il n'y a pas de pépins. D'ici la fin de la session, on sait que ça approche grandement. Est-ce qu'on va avoir droit à un thé glacé? C'est une demande spéciale comme ça. Là, si moindrement je viens avec un thé glacé, il va falloir que je prenne de la glace quelque part. Écoute, je peux t'en amener. Je peux essayer de t'en amener. Il y a ça à chasse, de la glace, non? Ouais. Je pourrais passer à chasse, au pire. Ou je préparerai des thés glacés directement chez moi, puis ici, je le verserai sur de la glace pour le garder bien froid. Ouais. On pourrait faire ça. On aimerait ça, dernière semaine, ça serait une bonne idée. Petit melon. J'ai plus de melon d'eau chez moi, mais je vous ramènerai probablement du flamant rose. Oui. Okay. OK, ça, oui, tu l'avais amené ici. Hein? Oui, flamant rose, oui, en découverte de la collection printanière, je vous l'avais ramené. Ça sentait beaucoup les fleurs. Non, le pamplemousse, ça sentait pamplemousse. Ah, okay. Avec le mélange d'hibiscus, okay. De citronnelle, avec citron orange, tangerine à l'intérieur. OK. Parce que ça, ouais. C'est une bonne idée, ça, l'été, quand il fait chaud, là. C'est une, et ben oui. C'est une très bonne façon. Et ça se prépare quoi, de la même façon, un peu? Ben, ça se prépare exactement de la même manière. Okay. Dans le fond, c'est un petit peu en lien avec les un des accessoires dont je vais vous parler pour infuser vos thés. Okay. Dans le fond, on va juste doubler la quantité de thé dans même quantité d'eau, voire un petit peu moins. Et ensuite, okay. Une fois que c'est infusé, on va le passer sur de la glace. Parce que justement, ça s'infuse moins vu que c'est pas chaud. Ben non, dans le fond, on va l'infuser dans du thé, dans de l'eau chaude avant. OK. On va faire on va refroidir après. Exactement. Okay, okay. Comme on aura doublé la quantité de thé dans l'eau, ça va être plus concentré. Exactement, la glace va refroidir et le diluer en même temps. OK. Et après, est-ce qu'on rajoute lime, citron? Vous avez totalement le droit, ouais. Si vous voulez vous préparer des gros pichets, etc. Alcool? On a le droit aussi. On peut aussi. Ben oui. OK. Très bonne idée. Rajouter une ou deux onces de rhum d'un grand pichet ou de la vodka ou quoi que ce soit, ça se fait très bien. Pas le pichet. Oh, on aime ça les pichets. Je connais pas le pichet. C'est cool. Pas le pichet, c'est bon. De non. C'est bon. Quand même. J'ai un culte, mais pas à ce point-là. Donc, oui, pour revenir à mon entre guillemets thème d'aujourd'hui, ouais. Je vous parle de accessoires pour infuser au mieux vos thés en fin de compte. Si mon moment vous voulez faire des petites recherches en même temps, je vais commencer par vous parler de l'infuseur magique, justement, qu'on utilise beaucoup pour l'infusion des thés glacés en fin de compte. C'est juste comme une grosse tasse. Parce que c'est gros, justement. De quoi? Parce que c'est gros, justement. Non, parce que c'est gros. Parce que dans le fond, ça va être comme environ la contenance d'une tasse, en fin de compte. On va doubler les quantités à l'intérieur pour préparer les thés glacés. Même si vous voulez le préparer pour un thé chaud, ça se fait aussi. Dans le fond, c'est comme une grosse tasse avec un petit mécanisme dans le fond qui va bloquer, dans le fond, l'eau. Donc, on va pouvoir laisser le thé infuser autant qu'on veut. Et ensuite, on aura juste à le poser sur un verre, une tasse, n'importe quoi. C'est ça que vous utilisez, puis juste en pesant, ça fait tomber le liquide dans le verre. Exactement, parce qu'il y a un filtre à l'intérieur. Et dans le fond, le mécanisme retient l'eau. Une fois que le mécanisme est enclenché, tout l'eau va tomber, dans le fond, qu'on appelle la liqueur de thé. OK, je suis pas sûr de comprendre, mais... C'est vraiment un verre avec un infuseur dessus. Et l'infuseur... Mais l'eau est en haut. Est en haut. Et puis quand tu cliques l'infuseur sur le verre, le liquide tombe dans le verre. Exactement. Et les feuilles de thé restent dans la tasse en haut. Exactement. Et ça, tu le fais quoi au bout de 5 minutes? Exactement comme dans le fond, tu as les instructions sur les boîtes ou les sacs de thé. Okay. Et tu suis ces instructions-là. La seule chose que je conseille pour faire les thés glacés, c'est de doubler les quantités pour avoir la quantité. De thé, pas d'eau. Là. Non, de thé. Mais justement, l'eau, on va en mettre un petit peu moins. Okay. Donc, pourquoi cet infuseur-là est très bon pour infuser n'importe quoi en fin de compte? Parce que les feuilles vont être totalement libres à l'intérieur. Et comme je le dis souvent, plus c'est gros, mieux c'est. Et plus il y a d'espace, mieux ça va être justement pour que les feuilles se croient dans un spa. Ouais, et non, mais c'est ça. Dans l'eau chaude. Ouais, c'est ça, exactement. J'imagine que l'infusion se fait plus parce qu'en fait, ils sont pas comme pris d'un pain. Exactement. Ah, c'est cool. Donc, on pourra aussi régulièrement remuer un petit peu pour activer un petit peu plus l'infusion. Et à ce moment-là, on aura des thés avec beaucoup de saveur. Abracadabra. Voilà, comme Acerola Abracadabra, notre thé du mois d'août, avec les baies d'Acerola à l'intérieur. Wow, août dernier, ça, 2011? Ouais. Wow, ça a l'air bon. C'était un thé blanc. OK. Ça, là, je peux retirer ma poche. Oui, tu peux retirer ta poche. Fais attention à ne pas juter partout, par contre. On n'a pas encore dit qu'est-ce qu'on buvait. Je sais qu'on interrompt un petit peu ton processus d'infusion. Ah, il n'y a pas de problème. Traîne Sauvage, qui est maintenant une exclusivité web, faisait partie de la collection hiver 2011-2012. Donc, celui-là qui était une base de thé vert, en fin de compte, avec des amandes effilées à l'intérieur, des morceaux de pommes, de la cannelle et un petit peu de citronnelle. Ça sent la cannelle. Ça sent la cannelle. Ouais, ça sent la cannelle. Et ça goûte beaucoup aussi. Je ah ouais, vrai? Je goûte plus le. Qu'est-ce que je répète mon nom, les ingrédients? Pomme, citronnelle, cannelle. Je pense que c'est pomme surtout que je goûte. Ouais. Amande un peu moins. Pomme, moi, je sens beaucoup le mélange de pomme et amande. OK. Ça doit dépendre de la bouche. C'est ça. C'est aussi pour ça que dans le fond... Ouais, pomme-cannelle. Cannelle revient tout le temps. Ouais, vraiment. Ça, ça va rappeler un petit peu, je te dirais, quelque chose comme noix magique, justement, la petite tisane qui devient rose. Ouais, ça me rappelle vraiment, moi, surtout une croustade aux pommes classique. Ouais. Encore une crumble fraise rhubarbe. Oui, exactement. Je sais qu'il y a un thé aussi qui s'appelle tarte aux pommes, puis un autre... crumble fraise rhubarbe. Crumble fraise. ça goûte dans les mêmes environnements. Il y a des petites subtilités qui changent, mais... Dès qu'on tombe dans le mélange pomme-cannelle, ça crée des liens entre tous ces thés-là qui ont le mélange de pomme-cannelle. Oui. C'est ça. C'est sûr. Et c'est très bon. Très, très bon. On aime ça. Deuxième accessoire dont je vais vous parler, Dans le fond, ça va être une théière en verre qu'on appelle une blooming teapot. Donc une blooming. Blooming. Comme les fleurs, là. C'est ça. Qui éclos. Oui, c'est, ben, dans le fond, c'est une théière qui a été conçue pour ça. Dans le fond, c'est une théière pour l'infusion des fleurs de thé. Ma mère, elle a une. Une fleur de thé ou une théière? Une théière. Une théière. Transparente? Oui. Ouais, ouais, c'est beau. C'est pas gros. Non. Et ça a l'air fragile. Ça dépend. Il y a certaines théières, dans le fond, qu'on va avoir comme une épaisseur de verre beaucoup plus large que d'autres. Ça va dépendre, dans le fond, de où vous allez l'acheter. Mais, dans le fond, la théière en verre, en tout cas, celle qu'on a, nous, chez Devesti, bon, elle est quand même assez fragile, mais c'est une théière parfaite pour infuser tous les types de thé aussi. Je conseillerais juste pas ça pour les rooibos, certaines tisanes. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'infuseur en tant que tel. Il y a juste un passe-thé dans le bec. Donc, okay. Dans le fond, ça va être comme un petit ressort qui va bloquer les feuilles en fin de compte. Le plus gros. Exactement. Donc, pour les thés verts, thés blancs, thés houlang, certains thés noirs qui auront des feuilles un peu plus larges, etc. Mmh. Ça ira très bien. Les puères aussi. Les matés, je conseillerais un petit peu moins aussi. Et beaucoup de tisanes. Donc, en fin de compte, les feuilles vont encore une fois être totalement libres à l'intérieur. Et c'est que tu vois le processus, la coloration. Exactement. De l'eau, on voit la graduation aussi dans certains cas où les thés ont une belle couleur comme doré ou vert, émeraude dans le cas des thés verts. Mm-hmm. C'est très agréable à voir ça. Mais avec un rooibos, on aurait pu simplement ajouter un infuseur. Exactement. Très perspicace. Ouais. Donc, justement, tu peux très bien acheter comme une tasse parfaite. L'infuseur qui est dans les tasses parfaites s'adapte un petit peu sur tout et n'importe quoi. Ah, c'est bien ça. Et si moindrement tu es un petit peu plus lâche, tu peux acheter des filtres, dans le fond, les petits sacs en chanvre et les mettre à l'intérieur pour les faire infuser. Il n'y a pas de problème aussi. Ça, c'est en chanvre, c'est celui-là. Oui, exactement. Et les petits filtres qui viennent avec les tasses de café, les tasses à thé parfaites, sont aussi disponibles juste en filtre avec un petit, une petite soucoupe. Exactement. Bah, dans le fond, c'est pas exactement la même chose. Bah, dans le fond, ça va être un petit peu plus petit. C'est, dans le fond, des infuseurs qui s'accrochent directement sur les tasses ou les théières, dans le cas où les théières ont des bords carrés. Je dirais que celui-là, pour cette théière-là, je la conseille un petit peu moins. Mm-hmm. Parce que dans le fond, elle va être beaucoup trop haute. Il va falloir comme remplir à ras-bord pour que ça touche l'infuseur. D'accord. Voilà. C'est noté. Mais c'était une très belle remarque, par contre. J'ai dit c'est noté. Hein, c'est si bon. Je me suis rattrapé. Donc, oui, c'est ça. Donc, la théière en verre comme celle-là, je l'aime beaucoup. Puisque même quand on va faire infuser les fleurs de thé, dans le fond, il y a des petites feuilles qui se décollent ou quoi que ce soit de la fleur de thé. Ça va rester quand même. Et exactement, ça va rester à l'intérieur grâce au passe-thé. Et les fleurs de thé, justement, c'est quoi? C'est une fleur qui éclore? Ben dans le fond, ce sont des feuilles de thé avec justement des fleurs de jasmin, etc. à l'intérieur, qui sont travaillées totalement à la main, justement, qui sont toutes attachées au centre pour que... C'est fait à la main. OK, je pensais que c'était naturel et l'effet de l'eau chaude les faisait... Non, dans le fond, c'est juste que on va travailler les feuilles de thé, toutes les fleurs qu'il y a à l'intérieur, tous les arômes, les travailler pour les refermer. Et dans le fond, quand on les fait infuser, dans le fond, ça va les réhydrater, ça va les regonfler. Donc là, ça va ouvrir. OK. Chose qui est pas souvent sue pour les fleurs de thé, c'est que généralement une fleur de thé se fait pour une théière d'environ 4 ou 5 tasses. Et c'est quelque chose qu'on peut faire infuser 3-4 fois. Donc si moindrement on est dans une soirée entre amis, on peut le faire infuser une première fois et faire un refill d'eau chaude 4 fois. Donc on a 16 tasses de thé au final. Ouais, c'est pas mal. Hein? Et on aime ça. C'est pas mal. À la fin, ça goûte encore ou... Je te dirais, moi, à chaque fois que je fais des réinfusions comme ça, je les laisse généralement infuser comme une minute, minute trente de plus. Exactement. OK. Donc, le goût est sensiblement pareil. Exactement. Et puis, est-ce qu'elle se referme? Non. Non. Non. Non, non, non. C'est pas aussi magique que ça. OK, parfait. Une fois que c'est ouvert, ça reste ouvert. Oui. Mais est-ce que ça vaut très cher, ça? La théière en verre est à 29,50. Non, mais Les fleurs de thé? Ouais. Celles qu'on a chez Devesti sont à 6,50, la boîte de 3. Okay. Donc, il y a 3 sortes à l'intérieur, double zen, fontaine de jouvence et guirlande de jasmin. Double zen, c'est pour dormir, quoi? Non, ça n'a aucun rapport. C'est quand même des thés verts. Les trois Donc, sont il y a des de la théine. Il y a de la théine, très peu de théine, entre guillemets, mais il y a quand même de la théine à l'intérieur. Personne sensible s'abstenir. Okay. Ça aurait pu être aussi parce que t'es en forme de barbe, de ZZ Top. De quoi? ZZ Top, le groupe de musique, non? C'est ton faire. Non, non, j'aime bien te faire répéter certains mots comme ça. Merci. Ça fait plaisir. Ah, je viens de la comprendre. C'est bon. Ah! Ça a été long, hein, quand même. Ah, oui, même ça a conseillé. Ah, OK. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit? Donc c'est ça. Donc plus les feuilles de thé ont de l'espace pour batifoler dans l'eau chaude, tel un petit nordique dans un spa, mieux ça va être. Excellent. Mais je vous dirais que c'est pour ça aussi qu'on aime aussi les tasses de voyage de David. Dans le fond, c'est comme le thermos. C'est toi qui as eu le thermos, je pense. Oui. Toi, tu as eu ta Space Invaders. Oui, merci. Je l'ai vu sur ton bureau. Elle est belle. Et donc, c'est ça. Plus il y aura de l'espace, mieux ça va être. C'est pour ça que justement, les bodhommes, dans certains cas, on va beaucoup les conseiller. Okay. Pour les thés verts, thés blancs, je les conseille un petit peu moins. Puisque dans le fond, ça va rester dans le fond, ça va abîmer les feuilles qu'on va les presser. Mais dans le cas des tisanes rooibos maté, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, ça va vraiment comme infuser, tourbillonner à l'intérieur de la tasse. On aura juste à le presser. On aura vraiment tous les bénéfices du thé avec tous les arômes qui sont à l'intérieur sans problème. Fantastique, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Ben non. Sinon, cet été, est-ce qu'il y a de la nouveauté qui s'en vient? On sait que l'été s'en vient à grands pas. On a entendu certaines rumeurs dans les couloirs. Je n'en parlerai pas. Est-ce mais que je vous dirais qu'il y a plein de monde qui risque d'être heureux. Ouais? Ouais. Ben là, on pas le droit de nous dire ça comme ça, là, à la radio en plus. On veut un petit coup? Non. Ouais, donc? Non, information totalement confidentielle jusqu'à ce qu'elle soit officielle. Okay. Mais sinon, est-ce que vous allez servir du thé glacé? On a déjà commencé à servir les thés glacés en magasin. Comme aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, on aura deux thés printaniers. J'ai pas consulté la liste des thés du jour aujourd'hui. Mais passé en magasin, on aura toujours deux thés à vous faire déguster. À chaque jour, deux thés différents. Exactement. Dans le fond, c'est vraiment... Deux thés glacés, là. Pas nécessairement. Non? Dans le fond, ça va dépendre des thés qui sont en dégustation aujourd'hui, puisque ce n'est pas nous qui choisissons, c'est le siège social pour que tous les magasins aient les mêmes thés en dégustation en fin de compte. Ça, je comprends. Mais dépendamment de nous, ce qu'on va ressentir le matin, on pourrait très bien dire « Ah, bah celui-là, il se prête plus en chaud qu'en froid. » Donc, on va faire celui-là en froid, celui-là en chaud. Mais généralement, maintenant, on commence à vraiment avoir un chaud, un froid pour commencer habituellement. On peut toujours faire un latte aussi. Là. Exactement. Disponible dans toute la collection. N'importe quoi peut être pris en latte. Même, n'hésitez pas à essayer présentement les matcha latte en version chocolatée, en glacé. C'est comme ça que la majorité des staffs découvrent le matcha en général. Et c'est vraiment le moyen d'avoir quelque chose de santé avec du thé. Et légèrement énergisant et très plaisant avec la sensation latte-chocolatée. Merveilleux, ça a l'air très bon ça. Et oui, c'est très très bon. Ah, je vais y aller, Oui, mais tu passeras aujourd'hui. C'est ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. On va continuer de goûter notre... comment t'as appelé celle-là? Traîne sauvage. Traîne sauvage. Et on pas traîner sauvage. Non. Aïe. Moi, je sais qu'un peu. Traite-moi pas de traîne sauvage. Non, ouais, ça ira. OK, donc lundi prochain à 8h, et puis on passe te voir au David City, au Centre commercial des Rivières. Ouais. Merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir. Bye. On prend une petite pause musicale pour écouter du Dumas et les souvenirs en mitraille. Puis après ça, je pense qu'on n'a pas écouté l'Info Campus tantôt. On écoute ça avant. OK. C'est bon? Voici maintenant votre capsule Info Campus. Emma Québec, en collaboration avec les sciences infirmières et biologie médicale, vous invite à la collecte de sang du 4 avril de 13h à 20h. L'objectif est de 200 donneurs. Le tout se déroulera de 13 à 16h dans le hall d'entrée du pavillon Albert-Tessier. La Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières mettra un terme à sa saison le 16 avril prochain avec la présentation de la finale et du gala Mollusque qui récompense les participants. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web lié à l'événement au uqtr.ca/impro. Le laboratoire en esthétique du département de philosophie et des arts de l'UQTR invite la communauté à participer à un entretien avec le cinéaste Bernard Aymond. L'activité se déroulera à la galerie R3 le jeudi 19 avril de 13h à 15h. Bernard Aymond est l'auteur de la désormais célèbre trilogie portant sur les vertus que sont la foi, l'espérance et la charité. L'entrée est gratuite. C'était votre capsule Info Campus. Comme une course sans fin, au bord d'un ravin. On tire à des millions d'années. Retour, c'est la chronique du charme et du sport avec Nicolas Ducharme. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Gagné enfile ses gants pour sortir un plat favori du four. On tourne les pages de notre livre avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et on remplit notre quota éducatif avec C'est un fait. Assemblage requis, c'est demain dès 7h. Soyez... Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Danseur de la formation Les Revenants à Assemblage requis. Et maintenant, on va continuer avec la chronique de sport. On va parler un tout petit peu des élections qui ont eu lieu la semaine passée à la GEQTR. Oui, exactement. Et écoute, on a su les résultats vendredi vers quoi, midi? Ouais, 11h30 midi dans ces coins-là. Ouais, exactement. Écoute, pas de surprise. Non, pas mal tout le monde est passé qu'il y avait à passer. En fait, tout le monde, sauf la chaise qui était la seule candidate dans un des postes, celui de vice-présidence aux affaires académiques de cycle supérieur. Le poste était vacant. Donc, ouais, donc il l'est toujours. Par défaut, la chaise a gagné. Je pense que pour les gens intéressés, ils peuvent envoyer leur... leur CV, leur candidature, ouais, ouais. Candidature, exactement. À la GE, exactement. Et ça va se faire, ça va s'entériner à la... en conseil exécutif. Ouais, bon, c'est ça, exactement, c'est à l'intérieur. Ça. Donc, on vient avec un petit tour de ceux qui ont remporté. Donc, si vous vous rappelez la semaine passée, la liste des candidats, c'est pas mal la même chose. Présidence, Ludovic Nadeau, ça a passé à 58%. Ouais. Donc, quand même assez serré. Vice-présidence aux finances et développement, c'est François Arcan. Secrétaire général, Jasmine Raymond-Drainville. Vice-présidence aux affaires sociopolitiques, Anne-Julie Durocher. Vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, Mathilde Loisel-Davidson. Aux communications, Malik Diagne. À la vie associative et à l'environnement, c'est Mathieu Roy. Et finalement, aux affaires socioculturelles. Là, c'est là qu'il y avait un petit débat. Oui, il y avait trois candidatures. Mm-hmm. Et le gagnant est Pascal Goulet. Exactement. Il y avait Michael Magny. et Vistel Galungo contre. Et puis, ils ont perdu ces deux-là. Tout à fait. Voilà donc plus d'informations et des photos sur zonecampus.ca et voilà qui est dit. C'est bon? C'est très bien. On aime ça. Maintenant, on va transitionner vers la chronique de sport parce que si assez fou, on a besoin de deux choses dans la vie pour vivre. Il y en a qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Nous, on vit du charme et du sport. Certains diront, il me semble que ta comparaison est la même à chaque semaine. Moi, je dirais, t'essaieras d'en trouver une autre. Mais bon, donc, Nicolas, bonjour, bienvenue à toi. Hey, bon matin, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Donc, écoute, grosse fin de semaine. Non, avant, tu parlais d'élection, je trouve ça quand même... Je vais mettre mon grain de sel, t'as qu'à faire une intro différente, comme tu parlais, monsieur. Mathieu, je trouve ça spécial quand même de voir que, bon, on est dans un mouvement présentement de contestation, les associations étudiantes qui ont... de l'exposure comme c'est pas possible. Et tu sais, de voir qu'il y a personne de candidat dans aucune sauf une, moi aussi, je trouve une ça seule bizarre. Option, de voir que même président, bon, qui va être celui qui va avoir toute l'exposure, si quelqu'un le fait pour les exposures, pour les chicks, mettons. Ouais. Non, c'est pas ça, les rôles de... Ben, écoute, il y en a peut-être qui le font pour ça. Non, puis sérieusement, puis de voir qu'il n'y a pas plus de... d'appui ou pas plus de tentative de se pointer puis d'aller faire une différence là-dessus. Je trouve ça, en tout cas, surprenant. Je me serais attendu à un petit peu plus là, de la part de plusieurs étudiants. Mais bon, il faut croire que c'est facile de crier, mais faire un changement, c'est d'autres choses. C'est ça. Bon, moi, les gens sont allés voter. Ça, faut dire, ça a dépassé, c'était quoi? En tout cas, c'était beaucoup pour ça. 25? Oh, ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Donc, les gens votent, au moins, c'est déjà ça. Une personne sur quatre, quand même. T'sais, le chiffre est gros par comparaison aux années passées, mais on s'entend qu'une personne sur quatre, pas ultra impressionnant dans la vie en général. C'est comme. Ben, okay. C'est pas pour une association étudiante. Pour une association. Oui, c'est ça, exactement. Mais il faut tout le temps relativiser. 25%, c'est impressionnant pour une élection de l'EGEQ. Ouais, tu me dis pour le premier ministre, je serais un peu déçu, c'est par ça. Exemple. Exact. Mais, bon, premier ministre, c'est à peine en haut de 50%, donc c'est pas. Ouais. On s'entend que dans. Quand on relativise, on se rend compte que, comme tu dis, 25%, c'est bien. On se pitche partout pour ça, mais c'est moyen quand même. Oui, exactement. C'est ça. Alors, monsieur, parlons sport. Sur le campus ici, Patriote, eh bien, la nouvelle est tombée officiellement vendredi matin. Jacques Laporte, donc l'entraîneur des Patriotes de l'UQTR, c'est terminé son règne à la barre des Patriotes. Hockey, après 13 ans, Jacques qui a décidé de quitter... ce poste... Il a quitté ou il s'est fait congédier? Non, il a quitté. C'est vraiment quitté. J'ai pu aller au fond des choses avec lui vendredi. Pour l'écho de Trois-Rivières, évidemment. Oui, exactement. Puis TVA aussi. Là, on a fait les deux là-dessus. Écoute, il faut écouter Mathieu. Bon, ben c'est dans son cas, c'est... Puis c'est ce que j'écrivais un petit peu dans mon article la semaine dernière. Selon mes informations, c'était que... Jacques Laporte avait décidé l'an dernier que cette année allait être sa dernière saison. Okay. Ça vient de lui. Ça vient de lui à la base. Il avait décidé ça. Donc, ce qu'on avait prévu du côté de l'UQTR, c'est de lui faire sa dernière saison comme coach. Oui. Après ça, d'engager Jacques comme... Bon, parce que Jacques Laporte est un employé de l'université. Oui, c'est ça, exactement. Et syndiqué, exactement. Donc, de le faire tout ce qui est les activités de financement. Les activités pour... La collecte de fonds, puis tout ça. Bon, soirée 20, peut-être? Ben, ça, il faisait déjà, okay. Mais il faisait pour toutes les... Pour seulement l'équipe de hockey. Ouais. Là, ce qu'on a voulu, c'est qu'il le fasse pour toutes les sphères sportives de l'UQTR. Mm-hmm. C'est un défi qui ben, c'était un défi qui l'intéressait au début, mais finalement, là, cette saison, on dirait que c'est... Il était raccroché un peu au hockey, puis s'est dit, c'est bon, ben, gars, je suis pas prêt à faire ça, puis... son côté, bon, c'est un peu ça. Donc, c'est là-dessus qu'il y a eu une différence de vision entre les deux hommes, entre lui et André-François Lafond, là, le directeur général du service de l'activité sportive, physique et sportive. Ben, sûrement qu'il doit dire, si tu décides de partir, va-t'en, tu peux pas changer d'idée, c'est ça? Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça fonctionnait plus. Donc, on a dit à Jacques Laporte, bon, ben, c'est correct, on va te laisser aller. On lui a donné sa retraite, là, dans le fond, et bon, des arrangements qui sont pas publics. Là. Financiers, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est ça, c'est la fin pour Jacques Laporte du côté de l'UQTR. Par contre, je suis pas bien sûr qu'il va rester un ambassadeur là, du programme lorsque ça va être le temps de se faire chercher voir des joueurs. Ben, peut-être pas chercher des joueurs, non. Ça reste le rôle du... Tu vois, je mets plus faire voir le programme à l'étranger. Offrir de la visibilité. Parler à bien du programme. Mais là, lui, il va faire quoi? Comme il m'a dit, il y a plusieurs possibilités. C'est ici pas exactement... à l'université? Non, pas à l'université. Donc, c'est terminé pour l'université. C'est terminé tout ce qui est Jacques Laporte à l'UQTR. OK, on le verra plus. Là. Non, exactement. Donc, je sais que c'est un fan de golf. Parlait peut-être de s'acheter... peut-être actionnaire dans un golf ou dans le monde des médias aussi. Jacques Laporte là, qui a commencé ça il y a quelques années. Il a pris des cours de communication, je pense. Communication, exactement. Puis il est du côté, je sais qu'il est du côté du 106.9 aussi ici. À analyste. Voir, commentateur. Un peu comme je fais, là, dans le fond, là, un peu comme ici. Color commentary. Commentator and analyst. Ouais. Le matin. Il y avait d'ailleurs fait la série Québec-Montréal. Il a fait Québec-Montréal aussi là, comme recruteur. Là, si on veut, il était recruteur? Oui, exactement. Ouais. Là, donc, évaluer le talent, là, tout ça. Donc, après 13 saisons, c'est terminé pour Jacques Laporte. Bon, ben, c'est quand même, là, un gros, une des page grosses choses. Des pages qui se tournent, exactement. Il faut une page qui se tourne. Et là, pour l'instant, le successeur n'est pas toujours pas connu. Moi, j'ai l'impression là, que du côté du Caps, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Ou ce qu'on veut, ouais. Il y a plusieurs possibilités. Certains disent que ça va être seulement un entraîneur. On oublie le côté financement, on oublie le côté. Le côté, tout ce qui est l'organisation, la paperasse, tout ça. Un gars qui peut se concentrer à 100% sur le coaching. J'ai l'impression qu'on va y aller là-dessus, mais encore là, tout dépendant quel type de poste on ouvre. Si tu dis on va ouvrir un poste à temps partiel pour un entraîneur à 20 heures semaine, payé 40 000 par année, t'attireras pas grand monde ici. Hein. T'attireras pas d'entraîneur de qualité ici à l'UQTR avec une offre comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, c'est un poste à temps plein. Là, j'ai l'impression du côté du Caps, on veut pas refaire ce qu'on a fait avec Jacques Laporte, c'est-à-dire, ben c'est ça, offrir un parce que tu veux pas nécessairement syndiquer le gars. Ben c'est ça, c'est un poste à temps plein, une sécurité d'emploi qui est gigantesque. Au hockey, on sait que des entraîneurs, t'as pas de sécurité dans certaines équipes, ben c'est ça, t'as pas de sécurité d'emploi, mais des équipes, ça vient, ça part, donc il est pas des équipes, mais des entraîneurs, ça vient, ça part là, du côté des équipes. Donc, je peux l'impression qu'on veut y aller avec un contractuel. Mais là, encore là, il faut voir là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme entraîneur qui serait disponible, qui voudrait venir ici à l'UQTR. J'ai l'impression que, bon, je vous en avais parlé la semaine dernière, un Denis Franqueur, qui est entraîneur responsable du programme sportif du côté du Collège Bernard à Drummondville. Lui, avant, a été entraîneur, entre autres, des Cataractes de Shawinigan pendant longtemps. Et là, ce qui est avec Denis Franqueur, bon, c'est ça que je vous disais la semaine dernière, a été appelé en renfort du côté de Bécomo. Parce que l'entraîneur Mario Pouliot a reçu son 4%. Et là, ils ont battu l'éthique de Victoriaville, éliminé l'éthique de Victoriaville, qui était dans mon lit quatrième favori là, pour remporter la Coupe du Président cette année dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Donc, avec ça, si vous voulez mon avis, là, il vient de se négocier une job assez solide dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Donc, on peut l'oublier. D'autres noms, moi j'avais pensé peut-être à Éric Lavigne là, qui était avec l'île du Prince-Édouard, lui du côté de FX Garneau à Québec. J'y allais parler, il m'a dit que non, ça ne l'intéressait pas vraiment ce poste-là, donc on va oublier ça pour ça. Certains autres ont avancé le nom de Gilles Bouchard qui est du côté des Estacades Midget 3A. Dans la région. Ben, dans la région, c'est un gars qui est habitué à la région. C'est un gars qui est habitué aussi de fonctionner dans la structure, une structure académique, les joueurs, l'école, tout ça, les entraînements. Par contre, je ne suis pas totalement certain tant qu'à moi, Gilles n'a pas nécessairement quelque chose à gagner de venir ici, que ce soit au niveau salarial. S'il veut monter le niveau de coaching, ben honnêtement. Si Gilles Bouchard veut monter junior majeur. La route est tout aussi bonne par le midget 3A que par le hockey universitaire. Si tu es au hockey universitaire, c'est peut-être plus si tu veux rester là. Donc, je suis pas certain qu'il y a de quoi à gagner. Là, tu parlais, mettons, au niveau salarial. Un coach, ça gagne à peu près combien? Ben, ça dépend de où, ça dépend du niveau. Mais Si, mettons, à l'université? Ben, la Ligue junior majeure, ça va tourner autour de... Ça dépend de la ville, ça dépend du marché. Bon, ouais, ça dépend de plein de facteurs. Un Gérard Galland à Saint-Jean, je peux te dire qu'il fait en haut de 100 000 facilement. Là. J'ai pas les chiffres, je pourrais pas te dire exactement, mais il fait de la très bon argent. C'est sûr que Mario Duhamel à Drummondville, ben, c'est pas la même grosseur de marché. Ouais, c'est ça. Mais attends-toi un 70 000, là. Au moins, là. Donc, c'est des bonnes conditions salariales là, qu'on se trouve à avoir là, du côté des coachs. Ici, universitaire, ben, tant qu'à moi, si t'offres pas en haut de 50, 60 000, t'auras pas personne d'intéressant. Donc, c'est ça. Ça reste que le programme sportif, le salaire du coach est un gros. Combien ça coûte un programme de sport de hockey à l'Université du Québec à Trois-Rivières? C'est 315 000, 325 000 environ par année. Donc, le salaire du coach est quand même une bonne partie. Ouais, ouais, c'est le voyagement, l'autobus, ouais, c'est une autre bonne partie. Donc, c'est ça, exactement. Les joueurs, eux autres, sont pas payés. Ils ont des bourses d'études. Des bourses d'études, exactement. Car là, bon, les bourses d'études, ça fonctionne. On va remettre des bourses d'études aussi selon la cotisation universitaire des étudiants. On sait, on donne 3 $ là. T'es inscrit à l'université, FO, tu dois avoir le 3 $ que tu donnes aux Patriotes. Moi, je donnais 3 $ qui est déduit directement. Là, c'est ça, exactement. Donc, beaucoup de bourses viennent de là. Par contre, ces bourses-là vont à tous les joueurs et non pas seulement aux joueurs de hockey. Donc, c'est la différence un peu qu'on peut trouver là-dessus. OK. Donc, c'est ça. Comme je dis, c'est parce que là, il va falloir voir aussi ce côté de Jacques Lavoie parce que lui faisait 25, comme il disait tout le temps. Moi, coacher, c'est 25% de ma description de tâche. C'est 75% paperasse, amasser de l'argent. On recrute, on amasser de l'argent. Amasser de l'argent. Ben, c'est lui qui s'occupait du salon des vins. Ouais. Salon des vins, l'an dernier, il y avait 1000 personnes. Tu dépenses au moins 20-25$ là-dedans, là. OK, donc c'est pas long que... Ouais, si tu veux goûter à une coupe d'affaires... C'est ça. Donc, c'était quoi? C'était des 20 000, 30 000 qui rentraient directement dans les poches de la formation de hockey. C'est assez différent, là. Ouais. OK? Donc, ça va être de très grandes chaussures qui vont devoir être... des très grandes pointures vont devoir être chaussées là, par le prochain remplaçant. Puis, on va voir, là. C'est une ère de changement, là, puis... On est en plein dedans. Ouais, exactement. Et puis là, en fait, on peut s'attendre à quoi, par exemple? J'imagine qu'un coach, il faut quand même que tu trouves ça rapidement pour recruter, ben, pour commencer si déjà tu à veux travailler mon avis, l'année tu dois trouver ça rapidement, puis très rapidement, parce que là, on est en pleine saison du recrutement du côté de la Ligue d'hockey junior majeur. C'est présentement que ça se passe si on veut être compétitif. Bon, on a une équipe qui est très jeune du côté des Patriotes. On avait 11 recrues à la fin de l'année. Je prévois qu'ils vont revenir. Bon, peut-être pas 11, parce qu'il y en a tout un ou deux qui fait boire finalement le hockey. C'est pas pour moi. Où t'es, Trois-Rivières, bof. Ben, ouais, ben, c'est ça, peut-être. Ben, tu sais, la ville, pas l'équipe, là, parce que, tu sais, on sait qu'ils sont quand même... Non, mais rendu là, je veux dire, c'est plus souvent quelqu'un va faire, bon, il va regarder ses notes, puis il est pas assez bon pour faire les deux, il va dire, gars, je vais arrêter, puis je vais aller faire d'autres choses, okay. Puis c'est arrivé, là, il y en a plusieurs. Il y a même des, je peux te nommer Marc-André Laroche, qui a arrêté le hockey universitaire, qui joue maintenant senior, mais il est encore à l'université, donc c'est pas nécessairement une question de notes, une question de... Il y a des gars qui ont fait le tour. Là, quand t'as joué 4 ans junior majeur, puis t'as joué université. Gars, c'est correct, j'ai fait le tour. Là, j'en ai soupé un moment donné. Là. Donc, c'est ça. Donc, mais là, c'est parce que le recrutement se fait avec Jacques Laporte. Jacques Laporte qui continue le recrutement. On va dire qu'il quitte le 25 mai précisément. Okay. Et ses deux entraîneurs adjoints, Jean-François Brunel, Marc-André Quilico. Mais là, c'est eux qui vont recruter. Tu recrutes des joueurs, puis tu leur dis à la dernière seconde, ben, finalement, ça sera pas moi l'entraîneur, ça va être tel gars. Puis là, tel gars. Ben, gars, moi, je le connais pas. J'ai jamais parlé à lui. Est-ce qu'il va me promettre les mêmes choses que tu m'as dit? Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Gars, laisse faire. Je vais aller à McGill. Ou laisse faire. Je vais aller à Moncton. Ou, bon, tout ça. Donc, le défi est grand et je pense qu'il va falloir que ce soit fait rapidement. J'ai l'impression. Là, on devrait ouvrir le poste sous peu. Les candidatures devraient arriver rapidement. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des développements dans ce dossier-là. Rapidement. 3-4 semaines. Ouais, d'ici la fin de la session. Probablement 3-4 semaines. J'ai l'impression que ça va être pas mal ça. Si on va avoir le temps de parler aux jeunes de junior majeur avant le début de l'été. Alors, on change de sujet, on passe. On parlait junior. On s'en va voir le hockey junior majeur, monsieur et Cataractes de Shawinigan, qui ont aisément disposé, là, comme je l'avais prévu un peu, là, des Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 4-0, une série 1-2-3-4. C'était terminé. Bon, allez vous reposer. On retourne à la maison. La surprise dans le premier tour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et je vous en parlais, j'en ai parlé tantôt, c'est la seule surprise, à vrai dire, c'est le Drakkar de Baie-Comeau élimine les Tiques de Victoriaville en 4 matchs. C'est fait mal, ça. C'est très brutal, la chute. Et le réveil là a été très, très brutal du côté de Victoriaville. Écoute, on était favoris, mais favoris, ça devait être a walk in the park. C'est pas ce qui est arrivé. Donc, ça chamboule un petit peu les séries. Parce que là, du côté de Shawinigan, on s'attendait peut-être à un adversaire un petit peu plus facile. Mais là, on va se retrouver contre les Saguenayens de Chicoutimi. Qui sont craqués à mort, là. Les Saguenayens? Ouais. Non, ouais. Ben, pas tant que ça. On réussit à éliminer là, hier en prolongation. Écoute, la série entre le Titan et Ducati Batters et les Saguenayens de Chicoutimi s'est terminée en 6 matchs. Et ça s'est terminé 3 matchs en prolongation. Donc, Chicoutimi. Non, c'est ça, ça aurait pu aller des deux côtés. Là. Ça aurait pu aller vraiment du côté du Titan. Ça a été du côté de Chicoutimi là, grâce à grâce à une victoire en prolongation hier de 4-3. Les deux autres matchs en prolongation, c'est Acadie Batters qui les avait remportés. Donc, du côté de Chicoutimi, c'est une équipe qui a fait l'acquisition de beaucoup de joueurs durant... beaucoup de talent, devrais-je dire, durant le temps des fêtes. On a été chercher Jean-Gabriel Pageot à haut prix du côté de Gatineau. On a été chercher Christian Ouellet aussi. Jusqu'à présent, en séries éliminatoires, Pageot, c'est un petit peu décevant. On a 4 points en 4 matchs. Du côté, par contre, Guillaume Asselin et Christian Ouellet, justement, et même Andrew O'Brien, là, le défenseur, qui connaissent d'excellentes séries, respectivement, là, avec des récoltes de 9 points pour Asselin, 7 points pour Ouellet et O'Brien. Donc, il y a des bons joueurs, il y a de très bons joueurs à Chicoutimi. Malheureusement, là, on dirait que même après avoir été chercher Pageot et Ouellet durant la défaite, la sauce ne veut pas prendre. Non. Le gâteau ne lève pas du côté de Chicoutimi. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, il est un peu tard pour faire quelque chose. Je pense que rendu là pour un entraîneur, pour Marc-Étienne Hubert, ben, tu te croises les doigts. Tu pries. Et t'espères que ça va finir par lever et que t'auras pas scrappé ton gâteau parce que t'as oublié de mettre de la levure. C'est une possibilité, honnêtement. C'est ce qui peut aider. Parce que sur papier, Chicoutimi a une équipe qui peut donner un peu de fil à retordre aux Cataractes. Par contre, dans la vraie vie, avec le type de performance qu'ils ont donné cette année, dernièrement, je m'attends à voir les Cataractes l'emporter. En 5? En 6? En 6 matchs. Ouais, je pense que c'est ma prédiction. En 6 matchs, les Cataractes qui devraient l'emporter. Surveiller, bon, du côté des filets aussi, du côté de Chicoutimi, Christopher Gibson, qui est excellent. Excellent, mais bon, en même temps... Il trouve tout le temps le moyen un petit peu d'être décevant quand ça comptait. Regardez au championnat du monde junior cette année, la Finlande, il a goûté. Là, Christopher Gibson, qui était le gardien partant, puis après ça, il a été changé là, du côté des Saguenayens. Mais bon, c'est un choix de deuxième ronde dans la Ligue nationale, Christopher Gibson. Regardez-le. Il peut jouer. Il a d'être en séries éliminatoires jusqu'à présent. Il y a une moyenne de 913. Ce qui est bien mieux là, que sa moyenne de 893 en saison régulière. Donc, c'est peut-être le vieux Christopher Gibson, celui de l'an dernier qu'on voit présentement. C'est un Finlandais en passant, là, même s'il s'appelle Christopher Gibson. Puis il est... Ça sonne américain. C'est ça, ça sonne américain. Mel Gibson. Ouais, ben c'est ça. Son père. C'est le fait spécial avec Christopher Gibson. C'est le nom spécial. Faites pas avec les Yuri, les Yari, les Aikiki du côté de... Yari Curie. Yari Curie, les Koivu et tous ces noms-là qu'on peut retrouver du côté de la Finlande. Du côté des Cats, il va falloir qu'on soit surveillé. Bon, Yannick Veilleux, Morgan Ellis. Surtout Morgan Ellis, 7 points en 4 matchs en séries éliminatoires. Très bien pour le défenseur. Sérieusement, l'acquisition de l'année là, du côté des Cats. Brandon Gormley qui n'a pas encore joué. Attendez-vous à le voir de retour de sa blessure. Ça devrait être lors de cette série qui devrait, là, selon le calendrier n'est pas sorti, mais logiquement qui devrait commencer ce vendredi du côté du centre Bionest à Shawinigan. Dans les autres séries, bon ben Saint-Jean va affronter Bécomo, donc l'équipe surprise. Je m'attends à ce que Bécomo aille en chercher une dans cette série-là, mais pour le reste, Saint-Jean devrait l'emporter assez rapidement. Rimouski, Blainville, Boisbriand, tant qu'à moi, la série la plus intéressante de cette première ronde, de cette deuxième ronde plutôt. Rimouski, ça va tirer. On a une bonne équipe, Jérôme Gauthier-Leduc, on a une bonne équipe capable de surprendre. Soyez pas étonnés, puis eux, c'est parfait. Là, ils affrontent Blainville, Boisbriand qui sont, oui, qui sont classés troisième. Bon, on se souvient, j'en avais discuté souvent avec qui sont premiers à cause de leur classement de division, mais qui sont moins bons. Je m'attends à ce que ça se rende jusqu'à la limite en 7 matchs dans cette série-là en faveur de Rimouski. Donc, le fait d'avoir gardé un Jérôme Gauthier-Leduc, ça va être payant du côté de Rimouski. Et finalement, les Remparts de Québec contre les Moussettes d'Halifax, bon, ben, c'est deux jeunes équipes. Je pense qu'il y a un petit peu. Les Remparts vont. Ben, je pense qu'il y a un petit peu plus de talent du côté de Québec. Donc, logiquement, les Remparts devraient l'emporter. Je vais dire en 5 matchs. Mais du côté d'Halifax, en je pense. Quand même. Ouais, ouais, en 5 matchs, là, d'après moi. Mais je m'attends à ce que Halifax donne un peu de fil à retard et surtout prenne énormément d'expérience parce que l'an prochain, regardez-les, la troupe à Nathan MacKinnon. Ça va bien aller. Va être, tant qu'à moi, là, assez bonne. Ça va être une très bonne équipe. Et on change de sujet, on s'en va vers le Canadien de Montréal. Quand j'ai dit mettre pour Gauthier, allez-y, posez-moi vos questions. Oh, ouais. Bon, je laisse la première question à Mathieu. Gauthier, c'est ça? Oui. Ça a un rapport avec les fleurs? Oui, c'est ça. Jean-Paul Gauthier, bien sûr. Non, Pierre là, Gauthier. Oui, vas-y. Mais là, c'est ça, on entend plein de noms qui viennent. Oui, ben, c'est ça, je m'en viens avec ça. Là. C'est vendredi. Jeudi plutôt. Jeudi qu'on a procédé au congédiement de Pierre Gauthier. En même temps que l'annonce du budget, ils sont forts. Ah ouais, ils sont forts. Le département des communications. Et puis ça a primé sur le budget. Du damage control du côté du Canadien, de faire ça la journée. Ah, écoute. Comme Mike Camilleri. Et même, je me souviens plus qui parlait de ça l'autre fois, mais qui disait que les échanges du Canadien, la plupart du temps, sont tout le temps sur la route quand ils font une transaction. Pour essayer d'éviter. Pour pas avoir à faire la maudite conférence de presse au Centre Bell. Éviter les journalistes. Pour éviter les journalistes, tout ça. Donc, on l'a fait encore, la journée du budget. Ah ouais, pas de trouble. Donc, ça passe une petite affaire plus dans le vide. Mais bon, on en entend parler. Comme tu dis, on en a entendu parler amplement. Parce que du côté, je crois, c'est Influence Communication là, qui disait que le... Si t'avais des mauvaises nouvelles à sortir, c'est là qu'il fallait c'est que là, c'est là qu'il faut le faire, mais qui disait surtout que ça avait surpassé le budget là, dans la couverture médiatique. La couverture médiatique, exactement. Merci. Tu on en parle là, puis on n'a pas parlé du budget encore. C'est ça, on n'a pas parlé. Je passe pas parler du budget, je passe faire de la personne appropriée pour parler du budget. Écoute, Jeff Molson est allé au BAT, par contre, lors de cette conférence de presse, a fait une vraie conférence de presse, a réellement répondu aux questions. Je pense que c'est justement très différent de ce qu'on pouvait voir de Pierre Gauthier, Bob Gainé, puis Jacques Martin aussi, où est-ce qu'on... Parce que Bob Gainé aussi a passé dans le tardeur, là. Oui, ben Bob Gainé, on lui a dit, écoute, on va changer. Je pense qu'on lui a fait comprendre assez rapidement que, gars, on tourne la page entièrement. On y va avec de nouvelles façons de faire. Puis c'était réellement la chose à faire. J'aurais été un partisan frustré de voir que on aurait pas congédié Pierre Gauthier à la fin de l'année avec le peu de résultats que ces troupes ont eu. Et vraiment, là, et on se rend compte en même temps là, que de congédier Jacques Martin, là, c'était une erreur aussi. Bon, t'en parlais, FO, du côté des successeurs. On pousse plusieurs noms présentement. Les noms qu'on entend beaucoup, là, les Vincent Danfous, Julien Brisebois, Patrick Roy, Pat Brisson, Pierre Maguire. Un nom que j'ajoute au mix aussi, Del Talon, qui est présentement le directeur général du côté de la Floride. Bon, on me dit tout le temps, le prochain directeur général va-t-il parler français? C'est la question que plusieurs se posent. J'ai la ferme impression qu'on va y aller avec quelqu'un qui parle en français. C'est mon impression. Pierre Maguire, Delta Allen, si tu te demandes, Pierre Maguire, c'est un gars de Mont-Tremblant. Hein? Je sais pas si tu sais c'est qui, Pierre Maguire, le commentateur du côté du réseau NBC aux États-Unis. Okay. NBC Sports, oui, okay. Qui était à TSN avant, les fameux Monsters, les fameux... étaient très bons pour avoir... donné des noms un peu aux joueurs, était très expressif derrière le micro. Il est encore, d'ailleurs, hier c'était très drôle. As-tu vu les images du match Pittsburgh contre Flyers de Philadelphie hier? Non, ça a brassé. Ça a brassé énormément en fin de match. Ça, j'ai vu ça, mais j'ai pas vu... Tu iras voir ça un peu, là, la fin de match sur YouTube. Ouais. C'est un Royal Rumble, parce que hier, c'était le WrestleMania. Ben, c'est ça. Il y avait Hulk Hogan. Il y avait un partisan destiné à Hulk Hogan, déguisé en Hulk Hogan dans la foule. Ah, il s'était trompé de stade, lui, là. Non, il s'en est pris à Scott Hartnell, verbalement. Okay. Scott Hartnell qui a fait un peu le signe avec l'oreille en tournant la main. Donc, c'était magnifique. Sur le banc des joueurs, à vrai dire. Okay, donc, ça se battait. Et les deux entraîneurs, Tony Granato du côté de Pittsburgh et Peter Laviolette. Oh, il s'aimait pas bien bas, hier. Non, c'est ça. Puis Pierre Maguire était entre les deux. OK. Parce qu'il était entre les bancs. Donc, il était vraiment entre les deux par-dessus. Je trouvais ça drôle de voir que peut-être que le prochain directeur général du Canadien était comme ça. Donc, Pierre Maguire, c'est un gars de Tremblant, parle français, pas de problème. Du côté de Delta Lune, c'est un gars de Rouyn-Noranda. Donnez-lui un été, puis il va retrouver son français, puis ça sera pas trop long. Mais là, toi, tu sais, je veux pas la liste, là. Je veux ce que Nicolas Ducharme pense. Ben, moi, j'ai deux noms. Vincent Danfous, oubliez ça, là. J'ai l'impression que c'est seulement. Il est pas prêt. Ben, c'est seulement. Je trouve que c'est juste RDS qui pousse. Parce que lui, bon, il travaille à RDS présentement, puis je pense que si s'il vient de là, écoute. S'il vient de là, ça te donne une longueur d'avance. Il change pas de numéro de téléphone, là. Je comprends, c'est exactement ça. Julien Brisebois, connais-tu Julien Brisebois? Non. Julien Brisebois a été dans l'organisation du Canadien de Montréal pendant plusieurs années, était directeur général du côté des Bulldogs d'Hamilton il y a 2 ans. Quand Guy Boucher s'est en allé du côté de Tampa Bay, Steve Eiserman a été chercher Boucher, Martin Raymond, Daniel, c'est le nom de son adjoint là, qui manque, et Julien Brisebois. Julien Brisebois, c'est un avocat qui a commencé très, très bas, qui a monté les échelons de la Ligue nationale, puis que là, vraiment, cogne à la porte de la Ligue nationale. C'est un gars qui est jeune, mais il a du vécu dans la Ligue nationale. Soyez pas étonnés, moi, c'est un de mes favoris, Julien Brisebois, il est prêt. Puis pourquoi Serge Chavard reste pas là? Non, Serge Chavard, je veux pas voir Serge Chavard là. Je veux dire, il est plus assez connecté sur la Ligue nationale. Je veux un gars là, qui est connecté, là, on arrête de niaiser. Là. Serge Chavard est conseiller spécial parce que Geoff Molson veut un gars qui connaît ça exactement, qui connaît un peu le... connaît le monde, qui connaît qu'est-ce que ça prend comme directeur général, c'est un peu demander à un ami de la famille pour déménager. Tu comprends? Ouais. Là? C'est un peu même le quand tu veux... C'est le même principe qu'un déménagement. T'appelles celui qui a un pick-up. Même chose dans ce cas-ci, le gars qui a un pick-up, c'est Serge Chavard. Bonne comparaison. On parle de Patrick Roy aussi. Bon, ben du côté de Patrick Roy, je le vois comme entraîneur. Je suis plus entraîneur, mais directeur général, moins. Patrick Roy va être entraîneur des Nordiques. Ça va faire l'affaire du monde à Québec. Je pense qu'à Montréal, là... Ils sont pas arrivés, les Nordiques, encore. Non, mais... Ils sont pas arrivés. Non, mais ça se trame. Ils sont pas arrivés. Restez calme avec les Nordiques. Si jamais ils se pointent pas, là, les Nordiques, le Patrick Roy va avoir manqué une chance d'être l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Je pense qu'il va... Oh oui, mais il est jeune encore. Il a le temps en masse. Ah, mais il va mal dormir, pareil. Je le vois comme entraîneur-chef. Du côté de Pat Brisson, l'agent de joueur Pat Brisson, je vois pas pourquoi il irait directeur général. Ça risque d'être moins payant que ce qu'il fait présentement comme agent de joueur. Il y a Sidney Crosby. Il est connecté, ça va être moins rentable pour lui. À moins qu'il ait vraiment envie d'un défi, ça serait étonnant. Du prestige aussi, là. Ouais, mais encore. C'est prestigieux. C'est un poste prestigieux. On va voir le char qui conduit, puis tu m'en reparleras côté prestige. Ouais. Pierre Maguire, c'est un autre candidat intéressant. C'est un ami de Geoff Molson aussi. C'est un gars qui connaît à peu près tous les joueurs de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, de la East Coast Hockey League et probablement dans ta ligue de hockey de garage du vendredi après-midi. C'est le gars probablement le plus connecté sur la Ligue nationale. Disponible sur le marché. Disponible, ben, qui a une expérience de hockey. Un Darren Dreger, il y a des gars, Renaud Lavoie, des connexions, mais n'a pas vécu la game. Pierre Maguire a gagné la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. C'est là la différence là, qu'on peut voir. Donc, je m'attends du côté de Delta Lund, c'est une candidature intéressante, mais ça m'étonnerait qu'on aille encore voler du côté de la Floride. Toi, t'as-tu postulé? Pas postulé, je vois pas pourquoi je ferais ça, voyons. Tu dis n'importe quoi. T'aurais pu. Hey, en terminant rapidement, ça devrait se régler dans les prochaines semaines là, du côté du Canadien, mais c'est loin d'être fait. Là. Ben écoute, la saison n'est pas terminée. Je pense qu'on devrait annoncer ça durant les séries éliminatoires. Même chose que, comme je disais pour Jacques Laporte tantôt, le poste est ouvert. Reste à voir là, quelle procédure on va prendre, mais ça serait bon de ne pas attendre trop longtemps parce qu'on a... On a de grosses décisions à faire. Il va falloir que le repêchage soit payant. On a beaucoup de choix de deuxième ronde là, qui s'en viennent. Il faut que le repêchage soit payant. Notre premier choix va être très payant normalement, donc je pense pas qu'il faut attendre trop longtemps du côté du Canadien. Le directeur général va être engagé et après ça, l'entraîneur suivra selon le directeur général qui va obtenir le poste. Et en terminant rapidement, messieurs, Red Bull de New York contre l'Impact de Montréal cette fin de semaine, ça s'est terminé 5-2. Le drink, okay. Là, tout ça. Thierry, écoute, c'est dommage parce que l'Impact méritait meilleur sort en première demi. Ça s'est terminé 2-2 après le premier 45 minutes, mais l'Impact, ça aurait pu être 2-0, 3-1. Jouait un très bon match. Et en deuxième demi, bon, ben, c'était l'affaire Thierry Henry, là, qui avait déjà un filet dans ce match-là. Deux autres buts, c'est tout du chapeau pour Thierry Henry. Mais quand même, ça. Hein? Et Gérard m'a vu un gars aussi talentueux avoir l'air de s'emmerder de la sorte sur un terrain de soccer. Oh, c'est soft. Écoute, il joue dans un calibre qui est en dessous de ce qu'il est capable de jouer. On a vu ce qu'il a fait cet hiver là, avec Arsenal lorsqu'on l'a prêté, là, lorsque le Red Bull l'a prêté. C'est un gars qui est capable de jouer plus haut, mais bon, le salaire est excellent du côté de New York, donc je suis pas trop inquiet. Félicitations aux fans de Montréal qui avaient fait le trajet. Il y avait une bonne délégation de fans des Ultras. Ils étaient très bruyants. Il y avait juste 13 000 personnes à New York, donc ça a été très, très, très bruyant. Et en terminant du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, eh bien le Caron Aiguille qui accédait aux séries éliminatoires hier. Ben, avec CD aux séries éliminatoires, on va dire jeudi avec une défaite en prolongation contre le HC Carvena. Et là, c'était à voir, on pouvait encore terminer quatrième du côté du Carvena. Donc, il n'y avait rien d'assuré. Par contre, là, avec Saint-Georges-de-Beauce qui s'est effondré à la fin de l'année. Saint-Georges-de-Beauce, c'est une des équipes avec le plus de talent dans la Ligue. Ne feront pas les séries. Ont terminé 5e rang. Du côté des eaux thermiques de Thetford Mines, pour réussir à faire les séries, on se devait de remporter nos deux matchs contre le Wild de Windsor en fin de semaine. Ça a été réussi. Donc, on termine au 3e rang. Le Coron-Aigué avec un point de plus au 2e rang. Le Wild avait besoin d'un point. Un seul point pour terminer 2e. À la place, ils finissent 4e. Vont affronter les Marquis de Saguenay. Peut-être, oui. Donc, on a levé le pied du côté du Wild et c'est ça, peut-être la stratégie. Non, parce que le Marquis de Saguenay, c'est une équipe qui a plus de talent que toutes les autres équipes. On terminait avec, tenez une idée, là, sur une saison de 48 matchs, tu termines avec 7 points de plus que l'autre équipe. 8 points de plus que l'autre équipe, ouais, même paraît. Là, ça paraît. Donc, ça débute ce vendredi, probablement. Le calendrier n'est pas encore sorti, sûrement ce vendredi, du côté de Trois-Rivières. Et voilà, messieurs. Tiglou, merci beaucoup, monsieur merci. Charme. Ça fait plaisir. Nicolas Ducharme, journaliste à l'Écho de Trois-Rivières. Ouais, et on se retrouve lundi prochain à 8h30. Voilà. Nous, on va terminer l'émission aujourd'hui, d'aujourd'hui ici, c'est bien ça. On va se retrouver demain à 7h pour une autre émission d'Assemblage requis. Et demain, l'émission aura Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. Elle va nous partager ses coups de cœur. On va avoir aussi Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique littéraire en fin d'émission. Restez à l'écoute pour le Dîner de con à 11h avec Denis Janvier. Ensuite, à 13h, c'est la rediffusion des Palmarès C'est fou avec moi-même et Jasmine Raymond-Drainville. À 16h, c'est les Ladies du Boudoir. À 17h, tout ou rien. À 19h, le Voyage insolite. Et à 20h, Catalepsie, l'émission musicale thématique de Simon Fitzbé. On se quitte avec du Roco Code et la très bonne pièce Empire. Merci, François-Louis Marchand. Merci, Mathieu Plante. Merci à Kiwan, à la Liberté. Merci, oui, merci à Xavier Antoine. Exactement. Et merci à Nicolas Charles. C'est ça. Ça fait le tour. Bye. C'est le tour du chapeau dans le but avec le goaler sur le net.